belle mope mananga pasio boni o salinga boye kana komi kuzonga mboka polibala na yaki kusimbite dona yo na mbuto ya mbeto pongi ya solo ezuwanga iteo tala nzoto na nga baby, vraiment je suis amoureux de toi. Et ben, moube, mananga, fasio, boni, oti, kinga, voye. Tana, komi, kozonga, kini, polibala, na yaki, te simite. Dona, yona, moto, yambe, pongi, ya solo. Jour après jour, j'ai toujours le mal que toi et père. Qu'est-ce tu m'as fait? Qu'est-ce tu m'as fait? Où n'a commun? Malheureux, servile, abolie.